بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم السابع من محرم عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل فيه قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليقه. En cette journée du 10 novembre 2013, nous allons inshallah poursuivre l'étude de شمائل النبي صلى الله عليه وسلم de l'imam Tirmidhi رحمه الله. فهو الدرس الحادي والعشرون. C'est donc le 21e cours. La veille, nous avons parlé du rire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Babu ma ja'a fi dhahiki rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, nous avons vu et lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait, et aussi il souriait, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait beaucoup d'ailleurs. Nous avons vu aussi le hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information concernant la dernière personne qui entrera au paradis avant elle, la première personne qui entrera au paradis et la dernière personne qui sortira de l'enfer, donc qui entrera au paradis. Il y a une précision à apporter sur ce hadith avant de passer au hadith du jour. Cette précision est la suivante. La veille, nous avons vu que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour du jugement dernier, yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir exposé les péchés mineurs, à celui qui ne s'est pas repenti le jour du jugement dernier et qui devra d'abord entrer en enfer pour payer ses péchés majeurs. Quand il en sortira, Allah lui montrera ses péchés mineurs et les échangera en bonnes actions. Nous avons dit que cela est en conformité avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, à ceux-là, Allah échangera leurs péchés en bonnes actions. Mais l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a marqué une distinction à faire et à montrer une différence entre ce qui est cité dans ce verset et ce qui est cité ici dans le hadith. Et la différence est la suivante. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala en fait parle de ceux qui se repentent des grands péchés, puisqu'il dit « Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha » sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes actions. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. À cela, Allah échangera les péchés en bonnes actions. Et dans ce hadith-là, on ne nous parle pas de celui qui s'est repenti puisqu'il vient de sortir de l'enfer. Il a payé ses péchés. Ici, on est en train de nous parler de celui qui ne s'est pas repenti et qui, après avoir payé ses péchés en enfer, Allah lui effacera ses péchés et l'échangera en bonnes actions. Donc il y a une différence. Aux deux, Allah a échangé les péchés en bonnes actions. Mais la cause est différente. Le premier, c'est parce qu'il s'est repenti. Et le deuxième, c'est parce qu'il a payé ses péchés. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Voilà ce qu'a cité Cheikh Abdel Razak, hafidhahullah, en s'appuyant sur la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre « Tariq al-Hijratayn ». عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جرير بن عبد الله رضي الله عنه qui rapporte ce hadith est un noble compagnon. C'est d'ailleurs lui qui a été envoyé par le prophète صلى الله عليه وسلم pour détruire ذو الخلصة, cette statue qui était surnommée la Kaaba des Yéménites, qui se trouvait au Yémen et autour de laquelle tournaient les associateurs al-Mushrikoun. Donc, ce compagnon radiallahu anh nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais refusé d'entrer chez lui depuis que j'ai adhéré à l'islam. Et à chaque fois qu'il me voyait, il souriait sallallahu alayhi wa sallam. Donc, oui. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses nobles caractères, le fait qu'il ne refusait jamais à ce compagnon Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, depuis qu'il s'est converti à l'islam, d'entrer chez lui. Donc il n'était pas orgueilleux sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que Jarir venait chez lui, il ouvrait la porte et ne le refusait pas. Plus que ça encore, à chaque fois qu'il le voyait, il lui souriait sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc le comportement que le musulman doit avoir avec son frère, le sourire comme on a vu la veille et l'accueil. Hadith suivant. Donc le terme d'abord qui est employé dans ce hadith, c'est ad-dahik. Ad-dahik, c'est le rire. Mais on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait, il souriait en fait. On a vu que à chaque fois ou la plupart du temps quand il riait, son rire s'arrêtait à un sourire. Sauf parfois, il riait à un point tel que on voyait ses molaires. Alayhi salatu wa sallam. Et ce qui nous prouve qu'ici ce qui est voulu c'est le sourire, c'est une autre version du hadith qui est jugée bonne par l'imam al-Albani rahimahullah, où le même compagnon dit qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me voit, il me sourit. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: je sais quelle est la personne qui sera la dernière à sortir de l'enfer. Et on vient de voir dans le hadith de la veille que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ces informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation. Et que parfois, le prophète alayhi salatu wa sallam connaissait des choses de l'invisible. Et parmi celles-ci, cette information qu'il nous donne, dans laquelle il nous dit qu'il sait qui est la personne, c'est-à-dire parmi les croyants, qui avait commis des péchés majeurs desquels il ne s'était pas repenti, puis qui à cause de ces péchés entreront en enfer. Il sait qui est cette dernière personne à sortir de l'enfer. C'est donc la personne qui a le plus de péchés majeurs parmi la communauté. Il sait exactement qui est cette personne. Il dit, رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا. C'est un homme qui sortira du feu en titubant. Et cet homme, quand il sortira du feu, car il aura payé tous ses péchés, on le traînera et on le fera sortir du feu. Et vous pouvez vous imaginer combien d'années, peut-être combien de centaines, peut-être combien de milliers d'années il a passé dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah, à payer ses péchés. Châtiment après châtiment, douleur après douleur. Et un jour Allah subhanahu wa ta'ala va décider de le faire sortir de l'enfer afin que seuls les mécréants restent en enfer éternellement. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Et alors, on dira à cet homme, intaliq, fatroulil jannah. après qu'il soit sorti de l'enfer, on lui dira d'entrer au paradis. Va et entre au paradis. Imaginez-vous un peu cet homme-là. Imaginez-vous cette personne qui a passé cette longue période qu'on ne peut concevoir dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Avec toutes ces douleurs et tous ces châtiments décrits par Allah Azza wa Jal et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi fi hadhihi ad-dunya, dans ce bas monde, entouré d'un feu. Imagine-toi entouré d'un feu et tu n'as aucune issue. Tu ne peux pas te préserver de ce feu, tu ne peux pas te sauver. Tu es convaincu que tu vas périr et que tu vas brûler, que tu vas mourir. Et le feu commence à te brûler. Et puis à un moment où tu as le plus grand désespoir, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient et te sort de ce feu. Comment tu te sentirais? Comment te sentirais-tu? Eh bien ça c'est rien du tout. Ici on est en train de parler de l'enfer, le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dent d'un kafir, d'un mécréant en enfer, sera de la même taille que la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, elle s'étend sur des centaines de mètres. Elle s'étend sur des centaines de mètres et elle s'élève sur des centaines de mètres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'enfer va donner aux gens une corpulence imposante et une grande taille. Pourquoi ? Pour qu'ils subissent plus le châtiment. Imaginez-vous un peu ça. Et cet homme-là qui a passé toute cette période en enfer, on va le sortir de l'enfer, on va lui dire « va et entre au paradis ». Il va se dire « enfin ». Enfin l'issue est arrivée. Enfin Allah m'a délivré. Enfin Allah m'a épargné. Après avoir payé tous ses péchés. Car il avait dit « la ilaha illallah », il avait prononcé cette parole en ayant la conviction qui découle de cette parole. Il n'avait rien associé à Allah, Azza wa Jal. Il n'avait adoré qu'Allah. Il n'avait pas mécru en Allah de par ses croyances ou bien ses paroles ou ses actes. Résultat, il sortira de l'enfer. Et cela fait partie des mérites du tawhid. Des mérites de l'unicité d'Allah et de la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Puisque celui qui est muwahhid, monothéiste, sortira du feu s'il a commis des péchés majeurs qu'il devra payer. Il sortira un jour du feu. Cet homme-là sortira et on lui dira « va et entre au paradis ». Et alors, il s'y dirigera pour y entrer et trouvera que les gens y ont déjà pris leur domaine. Quand il entrera au paradis, vous venez d'entendre que c'est le dernier qui va entrer au paradis. Et quand il entrera au paradis, il ne verra plus de place. Car déjà, depuis longtemps, les gens sont entrés au paradis et ont pris leur maison et leur place. Alors il pensera qu'il n'y a pas de place pour lui. Qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra donc, disant, « Seigneur, les gens ont pris les places. » Il dira, « Ya Allah, il n'y a plus de place. » Tout le monde a pris sa place. Et là, on va voir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers cette personne qui vient de passer cette période que l'on vient d'entendre, très longue, dans le feu de l'enfer, puis qui, quand il entre, ou quand elle entre en enfer, au paradis, pardon, elle ne voit plus de place. Elle ne voit plus de place. Elle aimerait au moins avoir un endroit pour marcher, un endroit pour rentrer. Elle ne voit plus. Qu'est-ce qu'Allah va lui donner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah lui dira, est-ce que tu te souviens de l'époque où tu étais dans le bas monde? Allah lui dira, tu te souviens dans cette vie? Tu te souviens de tout ce que tu as fait? Tu te souviens de tout ce que tu as dit? Et cette partie du hadith doit attirer notre attention. Elle doit nous réveiller et nous faire sortir de l'insouciance dans laquelle nous sommes. Car si aujourd'hui nous sommes insouciants et nous avons oublié nos paroles, nos actes, nos comportements, demain Allah subhanahu wa ta'ala nous dira, tu te souviens hier? Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu te souviens de ce que tu as fait? Et là, le musulman doit préparer sa réponse. Ensuite, il dira oui. Il ne pourra pas se cacher. comme on peut le faire ici, se cacher des gens, il ne pourra pas le faire. Alors formule ton souhait. Allah lui dira, formule ton souhait. Dis-moi ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu veux? Il formulera alors en lui-même tout ce qu'il souhaite. Il pensera à tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il souhaite. Et Allah Azza wa Jal lui dira, à toi ce que tu as souhaité, et en plus, 10 fois tout ce qu'il y a dans la terre entière. Cet homme-là, il vient de passer des milliers d'années, peut-être des millions, peut-être plus, en enfer. Et à la fin, à cause de la ilaha illallah, Allah le fait sortir de l'enfer, lui donne ce qu'il souhaite, et lui donne l'équivalent de 10 fois ce que la terre peut contenir. Subhanallah. Allahumma nas'aluka min fadlik. Ensuite, pris par l'étonnement, cet homme va dire, me prendrais-tu en dérision, ô Allah, toi qui es le roi? Il n'y croit pas. Il pense qu'Allah plaisante avec lui. Il se souvient de l'endroit d'où il vient de sortir. Il était en enfer, enfermé, en train de brûler, en train d'être châtié. Et Allah maintenant lui donne 10 fois plus que ce qu'il y a dans toute la terre. Il dira, ya Allah, tu me prends en dérision? Tu plaisantes avec moi? Alors que tu es le roi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à ce passage-là, a tellement ri que ses molaires sont apparus. Alayhi salatu wa sallam. Il a ri, alayhi salatu wa sallam, de la grâce d'Allah sur ses serviteurs. Il a ri, alayhi salatu wa sallam, de la réaction de cet homme qui ne s'attendait pas. Allahu a'lam, est-ce qu'il s'attendait déjà à sortir du feu? Et quand il en est sorti, il ne s'attendait pas à entrer au paradis, il pensait qu'il n'y avait plus de place. Et quand il y est entré, on lui a donné 10 fois plus que ce qu'il y a dans la terre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette scène, il a ri, au point où on a pu voir ses molaires. Alayhi salatu wassalam. Donc cela fait partie de certaines des causes qui avaient poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à rire de cette façon. Hadith suivant. عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره سبحانه وتعالى. Hadith immense dans le sens qu'il contient, rapporté par Ali ibn Rabi'a radiyallahu an, qui dit: j'ai vu Ali ibn Abi Talib, l'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le troisième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, j'ai vu Ali radiyallahu an. On lui apporta une monture. Une monture, c'est ce sur quoi on monte pour se déplacer. Et à l'époque, c'était les chameaux. Ça peut être un cheval, ça peut être un âne. Et au jour d'aujourd'hui, une monture, ce mot-là, il est applicable pour la voiture, pour l'avion, pour le train, tout moyen de transport, le vélo, la moto. Il dit qu'il a vu Ali radiyallahu anhu et on lui a apporté une monture. Et quand il a eu cette monture, au moment où il mit le pied à l'étrier, c'est l'endroit sur lequel on pose le pied justement pour monter sur la monture, comme les cale-pieds par exemple dans la moto. Et il dit, au moment où il a mis le pied à l'étrier, et il s'apprêtait donc à monter, il a dit, Bismillah. Il a prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une sunna que quand on monte dans la voiture ou dans l'avion ou dans le train ou dans n'importe quel moyen de transport, de dire Bismillah. Pourquoi? Car quand tu dis, tu prononces la parole Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala al-baraka, la bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillah dans la plupart des choses qu'il faisait, toutes les choses bonnes qu'il faisait. Donc ça c'est une parole à dire au moment de mettre ton pied. Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dit que pour la voiture, tu le dis quand tu mets ton pied. Pour l'avion, c'est pareil. Dès que tu mets, tu rentres ton pied dans l'avion, tu dis Bismillah. Et ainsi de suite pour tout autre moyen de transport. Ensuite, il dit, فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا. Donc, il dit le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il fut bien assis sur son dos, لَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا, أي لَمَّا اسْتَقَرَّ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّ. Une fois qu'il s'est bien installé sur le dos de la monture, il récitait les versets. Avant, il disait Alhamdulillah. Donc, il dit Bismillah pour qu'Allah Azza wa Jal l'aide. Et une fois qu'il est bien assis sur sa monture, il dit Alhamdulillah, car le moyen de transport est un bienfait immense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien de gens n'ont pas pu aller visiter leur famille, car ils n'ont pas de moyen de transport? Et au jour d'aujourd'hui, les moyens de transport sont tellement nombreux qu'il est facile à l'un d'entre nous de rendre visite à une personne éloignée en un temps très court. Donc c'est clair que c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il dit Alhamdulillah. Il loue Allah Azza wa Jal. Ensuite il dit Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et les paroles qu'il prononce ici sont tirées de versets de sourate Az-Zukhruf, les ornements, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce que l'on doit dire quand on monte sur la monture. Et donc Allah nous enseigne de dire Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Donc ici, c'est une traduction vraiment approximative, mais on va détailler l'essence réelle. Gloire à celui qui a mis cela à notre disposition, alors que nous ne pouvions le maîtriser. Et certes, vers notre Seigneur, nous retournerons. Le mot Subhan, quand tu dis Subhanallah, Tabaraka wa Ta'ala, est un mot avec lequel tu exprimes qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est exempt de tout défaut. Le mot Subhan signifie à montrer la pureté d'Allah dans ses noms et attributs. La pureté et la perfection d'Allah signifie à montrer qu'Allah Azza wa Jal est tellement pur qu'il est exempt de tout défaut. Il n'est touché nullement par la fatigue, ni la soif, ni la faim, ni l'oubli, ni toutes sortes de défauts. Et c'est pourquoi quand ils disent qu'Allah a un enfant, qu'est-ce qu'Allah leur a répondu ? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, Allah a répondu en disant Subhana, exempt soit-il de tout défaut. Donc quand tu dis Subhanallah, c'est une parole par laquelle tu exprimes la pureté des noms et attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Subhanalladhi sakhara lana hadha. Donc vous voyez la traduction gloire, ce n'est pas ce que l'on vient de dire. Mais c'est normal, c'est qu'il n'y a pas de terme pour traduire Subhan. Car Al-Kuffar, avec leur langue, ils ne disent pas Subhan. Donc, Subhanalladhi sakhara lana. Donc Subhan, exempt soit celui qui nous a assujetti cette monture. Et ici, il y a une reconnaissance du bienfait d'Allah, Azza wa Jal. Au moment où tu embarques, au moment où tu montes dans cette monture, tu te souviens que c'est un bienfait d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et tu le reconnais. Tu exprimes à Allah, Azza wa Jal, ta reconnaissance. Exempt soit celui qui m'a assujetti cette monture, celui qui a mis à mon service, celui qui m'a fait don de cet immense bienfait, de ce cadeau sur lequel je peux me déplacer. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Ce qui veut dire, alors que nous ne pouvions le maîtriser, c'est-à-dire, alors que nous ne pouvions de nous-mêmes le mettre à notre disposition. Donc celui qui t'a donné la monture, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et même si tu l'as acheté en apparence avec ton argent, c'est Allah qui t'a créé et qui a créé ton argent et cette monture. Donc c'est un bienfait d'Allah et tu te dois d'être reconnaissant. C'est lui qui a mis à ta disposition cette monture qui te suit et qui t'obéit. Par exemple, le chameau est une monture. Et le chameau a une grande force. Pour ceux qui veulent s'approfondir, qu'ils cherchent. Le chameau a une force telle que si il mettait ne serait-ce qu'un coup de sa tête à un homme, il pourrait le mettre au sol, il pourrait peut-être même le tuer. Le chameau, s'il prenait le bras d'un homme dans sa bouche et le mangeait ou le mâchait, il pourrait le détruire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans le désert? On voit que le petit enfant de 8 ans, quand il lève sa main vers le chameau est apeuré et il baisse la tête. On voit que le petit enfant de 8 ans tire le chameau et l'emmène où bon lui semble. Et le chameau le suit et lui obéit. Quelqu'un a-t-il médité sur ce bienfait? Allah Azza wa Jalla l'a cité dans Surat Yasin. Il dit: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. C'est-à-dire, et on les a humiliés pour eux. C'est-à-dire, on a humilié ces montures pour eux. Et ce signe-là est un des plus grands signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment un chameau, une bête qui peut se défendre, qui peut te repousser? Si cette bête le veut, elle fuit. Et tu ne pourras rien faire. Et tu ne pourras pas, avec tes deux mains et tes deux jambes, lui faire quoi que ce soit. Et malgré ça, un petit enfant qui n'a aucune force le maîtrise comme il veut. Qui a fait ça? Qui a donné, ce chameau au service de l'homme, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala? Au jour d'aujourd'hui, le bienfait doit se ressentir encore plus. Avec les avions, par exemple. Une personne qui veut visiter sa famille dans son pays d'origine ou des amis dans un autre pays. Cette personne embarque et se trouve donc à bord de cet avion qui décolle d'un endroit et qui est dans les airs pour atterrir dans un autre pays à peut-être des milliers de kilomètres, peut-être même à l'autre bout de la terre. Subhanallah. Et si Allah Azza wa Jalla l'avait voulu, ce morceau de fer n'aurait jamais décollé du sol. Et si Allah l'avait voulu, ce morceau de fer serait tombé en plein vol, comme on l'a vu pour plusieurs avions. Donc sans aucun doute, c'est un grand bienfait d'Allah, Azza wa Jal. Avant, quand ils allaient faire le pèlerinage, le Hajj, ils disaient adieu à leur famille. Car peut-être qu'ils allaient mourir en route. Ils mettaient peut-être 2 ans, peut-être 3 ans pour revenir chez eux. Au jour d'aujourd'hui, tu montes dans l'avion et en 6 heures, tu es arrivé à destination. Donc voyez l'importance de cette invocation quand on monte et quand on embarque. Ensuite, wa inna ila rabbina lamunqalibun. C'est-à-dire que une fois qu'il est monté et qu'il a prononcé ces paroles, il dit et vers notre Seigneur nous retournerons. Et les savants ont médité sur la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là prononce cette parole-là. Pourquoi à ce moment-là il se rappelle qu'il retournera vers Allah? Qui a la réponse? Bilal. Hein? Salim. Hein? Non. La réponse, c'est parce que quand il monte, il sait qu'en voyage il peut mourir. Donc, il se rappelle qu'il va revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens avant, quand ils montaient sur les chameaux, qu'ils allaient parcourir de longues distances pour le voyage, ils savaient qu'ils risquaient la mort. Peut-être parce qu'on allait les attaquer en route, peut-être parce qu'il va tomber du chameau, et le chameau, si vous êtes déjà monté sur un chameau, c'est vraiment très élevé. Et il suffit que le chameau fasse un faux geste pour que la personne tombe peut-être sur la tête et elle meurt. Que dire alors des moyens de transport d'aujourd'hui? Les voitures, les avions, combien d'accidents il y a eu? Donc à plus forte raison, on se doit de prononcer ces paroles-là. Quand on monte en voiture, en bateau, en avion, on doit se rappeler de la mort. On doit se rappeler du fait qu'on peut mourir et qu'on va retrouver Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « Alhamdulillah » à trois reprises. Puis il dit « Allahu Akbar » à trois reprises. Puis il dit « Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru lah » Ce qui veut dire « Exempt sois-tu ». J'ai lésé mon âme, c'est-à-dire je me suis fait de l'injustice à moi-même. Pardonne-moi donc. Toi seul pardonne les péchés. Pareil, les savants ont médité sur la raison pour laquelle à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Allah, je me suis fait de l'injustice, du tort à moi-même. » Et ils ont dit que, en fait, une fois qu'il est monté sur la monture, qui va lui permettre de se déplacer d'un endroit à un autre, très éloigné, en un temps court, il se rappelle du bienfait d'Allah, Azza wa Jal. Et quand il se rappelle du bienfait d'Allah, il regarde tous les péchés qu'il a faits, et il voit le manque qu'il a dans la reconnaissance à Allah. Et à ce moment-là, il dit, « Oh Allah, je me suis fait du tort à moi-même. » Pourquoi? Car quand tu as du manque dans la reconnaissance envers Allah, tu ne t'es fait du tort qu'à toi-même. Tu n'as pas fait de tort à Allah. Donc en gros, il se rend compte, le croyant se rend compte, qu'il s'est fait du tort à lui-même, et il demande donc le pardon d'Allah, en reconnaissant que seul Allah pardonne les péchés. Puis quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a prononcé cette parole, il s'est mis à rire. Et le deuxième Ali ibn Rabi'a radiyallahu anhu, qui l'a vu, lui a dit « Min ayyi shay'in tadhak aw dhahikt ya amir al-mu'minin » Pour quelle chose rigole? Pour quelle chose tu ris, ô gouverneur des croyants? Et là, Ali radiyallahu anhu va dire qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la même chose et prononcer les mêmes paroles, puis ensuite il s'est mis à rire sallallahu alayhi wa sallam. Puis quelqu'un lui a dit, ô messager d'Allah, pourquoi tu as ri après avoir prononcé cette parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc la traduction elle n'est pas exacte ici, traduction correcte c'est qu'il a dit, ton Seigneur s'étonne de son serviteur. Ce n'est pas, il plaît à ton Seigneur. Ton Seigneur s'étonne de son serviteur, car il plaît à ton Seigneur, c'est le résultat de l'étonnement d'Allah, Azza wa Jal. Et parmi les attributs d'Allah, Azza wa Jal, min sifatillah, al-ajab. Allah s'étonne. Et nous croyons en tous les attributs d'Allah, Azza wa Jal, tout en croyant qu'il est exempt de tout défaut et toute ressemblance à ses créatures. Donc il ne s'étonne pas comme nous, nous étonnons. Donc ne pas faire le lien ou la différence, car c'est une chose interdite. Ton Seigneur s'étonne de son serviteur quand il dit « Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Il sait ainsi que nul autre que lui ne pardonne les péchés. Au moment où le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ô Allah, pardonne-moi. Je sais que toi seul pardonnes les péchés. » Allah s'étonne de cette parole qui est prononcée par ce serviteur. Il aime voir son serviteur prononcer cette parole. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa monture et a prononcé ces paroles, il s'est souvenu qu'Allah s'étonne et ça l'a fait rire. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète sait qu'Allah s'étonne? Par la révélation. Tout ce que le prophète sait, c'est à travers l'intermédiaire de Jibril alayhi salam qui vient le voir pour l'informer de ce que Allah azza wa jal dit, aime ou fait, subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, on a terminé le hadith ou le chapitre sur dhahik an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-bab al-tali, le chapitre suivant, باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre concernant la plaisanterie du prophète صلى الله عليه وسلم. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a cité ce chapitre dans ce livre ذكر هذا الباب في هذا الكتاب العظيم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما يتعلق بمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمزح وأنه كان لا يجاوز الحد في المزاح إلى غير ما سنبين إن شاء الله. A cité donc ce hadith pour montrer comment était la plaisanterie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer qu'il plaisantait, quelles sont les limites, est-ce qu'il dépassait les limites ou non, et bien d'autres choses encore, inshallah, que nous allons voir. Avant ça, dans beaucoup de hadiths, ou dans plusieurs hadiths, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait. فَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ المزاح صلى الله عليه وسلم il plaisantait dans plusieurs hadiths et المراد والمقصود من المزاح ce qui est recherché à travers la plaisanterie et ادخال السرور c'est de faire entrer la joie dans le cœur du croyant ou المؤانسة ou ازدياد المحبة والألفة c'est le fait de faire grandir l'amour entre les croyants le fait de réconcilier celui qui est triste, de réconforter celui qui est anxieux. Et voici donc les buts recherchés à travers la plaisanterie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Il plaisantait en ne disant que la vérité. Comme on va le voir, on n'a pas le droit de mentir en plaisantant. Comme beaucoup et énormément de gens le font, wal'iyadhu billah. Wa lam yakun yukthiru minhu alayhi salatu wassalam. Donc, non seulement il ne disait pas, il ne mentait pas quand il plaisantait, mais aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abusait pas quand il plaisantait, il ne dépassait pas la limite. Il plaisantait quand il y avait le besoin, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, a dit que la plaisanterie, il a cité ça des savants, qu'ils ont dit que la plaisanterie chez l'homme doit être comme le sel dans le plat. Un plat dans lequel il n'y a pas de sel va être difficile à manger. Il ne va pas avoir le goût attendu, le goût aimé. Par contre, un plat dans lequel on met trop de sel, ça deviendra pareil. On ne voudra pas en manger. Mais le plat dans lequel on met la dose qu'il faut va être bon à manger. C'est la même chose pour la plaisanterie. Le musulman doit plaisanter, mais sans dépasser les limites. Et il ne doit pas s'empêcher non plus de plaisanter. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Adhkar, son livre qui concerne les invocations, les formules de rappel, de dhikr, a dit, قال العلماء, les savants ont dit, المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. La plaisanterie qui est interdite est celle dans laquelle on a dépassé les limites et que l'on fait constamment. La plaisanterie qui est interdite est celle dans laquelle on a dépassé les limites et qui est faite constamment. Il dit: فإنه يورث الضحك وقسوة القلب. Car celle-ci provoque l'abus dans le rire. Duquel va découler la mort des cœurs ou la dureté des cœurs, wal'iyadhu billah. Wa yashghalu 'an dhikrillahi ta'ala. Elle va occuper la personne et le faire distraire ou la faire distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fikri fi muhimmati ad-din. Elle va également la faire distraire de penser dans les choses importantes relatives à sa religion. Wa ya'ulu fi kathiri min al-awqat ila al-idha. Et pour la plupart du temps, cette catégorie de plaisanterie, c'est-à-dire dans laquelle on dépasse les limites, pousse à nuire à l'autre. Pousse à nuire à l'autre et à lui faire du mal, comme on va le citer. وَيُورِثُ الْأَحْقَادِ et va provoquer la haine entre les gens. Quand ils abusent, ils plaisantent entre eux, mais ils dépassent les limites. Ils dépassent les limites. Ensuite, ça passe de la plaisanterie à la moquerie. De la moquerie à l'insulte, de l'insulte à la dispute, de la dispute à la bagarre et les gens se détestent. Et ça arrive beaucoup, et très fréquemment. Et pour la plupart du temps, le début, c'était une plaisanterie. Pourquoi ? car on n'a pas respecté les règles dans la plaisanterie. On ne doit pas plaisanter comme bon nous semble. On ouvre toutes les portes et on plaisante comme on veut. On plaisante en respectant l'autre et sans dépasser les limites. Il dit « وَيُسْقِطُ الْمَهَابَ وَالْوَقَارِ » Et la personne qui plaisante trop, qui plaisante tout le temps, les gens n'ont plus ce respect que l'on a envers la personne qui est calme, qui est posée, qui est sérieuse. Ce respect, cette espèce de crainte, si on peut dire ça comme ça, elle tombe. Aujourd'hui, quand tu vois des savants, par exemple, quand tu vois des savants parmi les gens de science, tu ne le regardes pas comme tu regardes n'importe quelle autre personne. Tu le regardes avec respect. Tu fais attention peut-être à ne pas lui couper la parole si tu lui parles. Pourquoi ? Car il y a ce mot, al-mahaba, cette crainte par respect. Eh bien, celui qui plaisante tout le temps, on n'a plus cette chose-là pour lui. Il dit, فَأَمَّا مَا سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَهُوَ الْمُبَحِ. Quant à la plaisanterie qui est préservée de toutes ces choses que l'on vient de citer, c'est celle qui est licite. الذي فعله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. C'est celle-ci que le prophète faisait صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال. Car le prophète صلى الله عليه وسلم ne plaisantait que rarement. Il plaisantait dans certaines situations précises. Pour quelle raison? L'imam al-Nawawi nous dit للمصلحة. Pour un intérêt. Il faisait cela pour un intérêt, comme réconforter la personne qui est éprouvée, comme aider la personne qui est fatiguée, d'autres choses. وَتَطْيِيب نَفْسِ الْمُخَاطَب afin de calmer et de d'apaiser celui avec qui il parle, عليه الصلاة والسلام. وَمُؤَانَسَتِهِ et afin de lui tenir compagnie. وهذا لا مانع منه قطعا. Et sans aucun doute, cette chose n'est nullement interdite. بل هو مستحب إذا كان بهذه الصفة. Bien au contraire, c'est même recommandé et préférable de le faire si il respecte ce que l'on vient de dire. Donc cette introduction pour nous dire que le prophète plaisantait, عليه الصلاة والسلام, mais qu'il ne dépassait pas les limites. Et certains dépassent les limites quand ils plaisantent. Parmi les plaisanteries dans lesquelles on dépasse les limites, le mensonge. Beaucoup de gens mentent en plaisantant et pensent que comme ils plaisantent, ce n'est pas grave. Cela est faux. C'est interdit de mentir même en plaisantant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est garant d'une maison au paradis pour celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Et il a même dit dans un autre hadith, « Wailun » Liman yatakallamu dans le sens du hadith waylun liman yatakallamu bil kalima yakdhibu liyudhhik alqawm waylun lahu. C'est-à-dire malheur à celui qui parle aux gens en mentant pour les faire rire. Malheur à lui. Et ce mot qui est traduit approximativement par malheur, en vérité, c'est un mot qui est plus grand. Le mot wail signifie une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'abattre sur la personne citée. Et ici, la personne citée est celle qui ment pour faire rire, pour faire rigoler les gens qui sont avec lui. C'est interdit. On n'utilise pas l'interdit pour faire rire. Et le mensonge pour faire rire à plusieurs formes, et parmi ces formes-là, le théâtre, les mises en scène et toutes ces choses-là qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les personnes se donnent des rôles de gens qui ne sont pas en vérité, se donnent des noms et se font passer pour ceux qui ne sont pas, et tout ça c'est interdit. Car pourquoi ils le font? Pour faire rire. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit malheur à celui qui ment pour faire rire les autres, malheur à lui. Certains plaisantent avec leurs frères, par exemple, en prenant un objet, une personne qui prend un objet de son frère et qui le cache. Et il voit, ou elle voit son frère en train de chercher partout et de dire « Où est mon portefeuille ? Où est mon portefeuille ?» alors que son ami l'a mis dans sa poche pour plaisanter avec lui. Eh bien, ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir ces genres de plaisanteries. Car on n'a pas le droit de faire peur, d'effrayer un musulman ou une musulmane sous prétexte que l'on cherche à plaisanter. Aussi, certains plaisantent avec les mains. Certains plaisantent avec les mains, par exemple. Ils plaisantent avec des enfants pour jouer avec eux. Et tu vois certaines personnes qui tirent l'enfant par ses cheveux, qui le poussent pour le faire tomber par terre. Peut-être certains prennent les enfants et les lancent jusqu'au plafond et ensuite les rattrapent avec leurs mains et tu vois l'enfant terrifié et cette personne rire. Car pour elle, elle plaisante. Et comme elle plaisante, elle a le droit de le faire. Et cela est faux, c'est interdit d'agir ainsi. C'est interdit de plaisanter de cette manière-là. On n'a pas le droit, par exemple, aussi pour les gens qui se cachent derrière un endroit, et que quand une personne passe la nuit, par exemple, il sort de cet endroit et il crie. Et tu vois que la personne a une peur. Combien de gens peuvent mourir de ça? Wallahi, combien de gens peuvent mourir de la crise cardiaque? Imagine-toi le jour où la personne va plaisanter, avec une bonne intention de plaisanter. Il va se cacher dans le noir et il va attendre que son épouse marche dans le couloir, à la maison. Et alors il va crier. Et son épouse va être tellement apeurée qu'elle va tomber, elle va faire une crise. Qu'est-ce qu'il va dire devant Allah? Ya Allah, je voulais plaisanter. Donc, toutes ces choses-là, car on ne respecte pas le comportement qu'on doit avoir en plaisantant. Donc maintenant, nous allons lire le premier hadith, Inch'Allah. An Anas ibn Malik, radiyallahu an, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lah, يا ذا الأذنين قال أبو أسامة يعني يمازحه أنس بن مالك رضي الله عنه encore une fois qui a vécu 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ô toi qui as deux oreilles. Et donc c'était une façon de l'appeler et en même temps de mettre une plaisanterie dedans. Et dans cette façon de l'appeler, ô toi qui as deux oreilles, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait à l'aise les gens qui l'appelaient. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'était son servant qui a travaillé 10 ans avec lui. Al-Sheikh Abdurrazzaq, hafidhahullah, tire de ce hadith-là le comportement que le musulman doit avoir avec son employé, avec le servant qui travaille pour lui à la maison. Et beaucoup de musulmans dans nos pays payent des gens pour vivre chez eux, pour faire le ménage et pour travailler. Et ça, c'est une chose qui est connue. Et beaucoup de ces gens, malheureusement, parlent mal à leurs servants qui travaillent chez eux et ne les respectent pas. Et ils disent que si ils les respectent ou s'ils plaisantent avec eux, cela va faire descendre leur valeur. C'est-à-dire que l'un d'entre eux va dire, je ne parle pas avec lui, je lui donne un coin de la maison pour dormir, il fait son travail, je lui donne son salaire, et je ne parle pas, je ne plaisante pas avec lui. Et tu vois cette personne qui est là, personne ne parle avec elle, personne ne plaisante avec elle, peut-être que c'est un homme qui est venu d'un pays éloigné et qui a laissé sa famille à la recherche de l'argent, il a besoin de bonne compagnie, personne ne lui parle. Pourquoi? Parce qu'il fait le ménage. Subhanallah. Et on ne le respecte pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Anas ibn Malik qui était son servant, comme vous venez de l'entendre. Ô toi qui as deux oreilles. C'est une façon douce de l'appeler. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal à dire à son servant Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense, de le mettre à l'aise. Quand tu es dans un endroit où il y a une femme de ménage ou un homme qui fait le ménage, de le remercier, de lui montrer que tu n'es pas orgueilleux, que tu ne crois pas qu'il n'a pas de valeur, etc. Hadith suivant, عن Anas ibn Malik, رضي الله عنه, قال, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أو نقرأ هذا فيما بعد. Anas ibn Malik, encore une fois, radiallahu anhu, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec ses compagnons quand il était avec eux. Et d'ailleurs, un jour, il a dit à son petit frère, le petit frère de Anas ibn Malik, et le petit frère de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, c'est Ibn Abi Talha, c'est Zayd ibn Sahl al-Ansari. Il s'appelle Zayd ibn Sahl al-Ansari. C'est le frère de Anas ibn Malik du côté de la mère. Ils ont la même mère. Et ce jeune enfant, Zayd, avait un oiseau avec lui. Et d'ailleurs, les savants retirent de ça qu'on a le droit de garder un oiseau dans une cage. Ils disent à une condition, à condition qu'il soit bien nourri, bien abreuvé et qu'on s'occupe correctement de lui. Pourquoi ? Car ce petit enfant avait un oiseau, ce qu'on appelle un nourayr. Il avait donc l'oiseau qui est le boule-boule. Bah, c'est un oiseau, je le connais pas. À la Kulihal, il avait un petit oiseau avec lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a appelé avec ce surnom, Abu Umayr. Ya Aba Umayr, oh Aba Umayr. Qu'a fait le petit boule-boule ? Qu'en est-il du petit oiseau ? Pourquoi ? Car il voyait tout le temps ce jeune enfant jouer avec cet oiseau et un jour il ne l'avait plus parce qu'en fait cet oiseau était mort. Et alors le prophète a.s.w. a voulu être doux avec lui et lui rappeler ses souvenirs et lui dire alors où est ton petit oiseau ? Et donc à travers ça tu vois qu'il n'y a pas de mal par exemple quand tu vois un enfant qui a l'habitude d'avoir un jouet particulier de lui dire où est ton jouet que tu as d'habitude, je ne le vois plus, pour être doux avec l'enfant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé cet enfant avec ces paroles-là. Certains parmi les égarés qui se moquent des savants du hadith disent, regardez ces gens qui citent des hadiths qui sont inutiles. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec Ya Aba Umayr, Mada Ma Fa'ala Nurayr? Oh toi, le petit enfant Abu Umayr, qu'a fait le petit boule-boule? Ils disent, en se moquant, vous citez des hadiths qui n'ont aucun sens. À quoi ça sert de citer qu'un oiseau est mort et qu'on jouait avec lui? Ibn Hajar, rahimahullah, le savant du hadith, a sorti de ces deux paroles du hadith 70 fawa'id. Il a sorti 70 points bénéfiques à retirer de ce hadith. Abu Isa Tirmidhi rahimahullah va nous en citer quelques-uns. Tout ça pour voir que quand le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est jamais inutile. Il y a toujours un intérêt, une chose à apprendre dans ses paroles. Abu Isa Tirmidhi dit, وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ et la compréhension de ce hadith, أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَانَ يُمَازِحُ. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait. Donc déjà, on tire de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam plaisantait. Il dit aussi, وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّ غُلَامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ. On tire aussi de ce hadith qu'il a donné un surnom de paternité à un enfant en l'appelant Abu Umayr. Le nom Abu en arabe veut dire le père de. Et le nom que tu vas rajouter après, par exemple Abu Bilal, ça voudra dire le père de Bilal. Et dans la sunna, il est bien de se donner ce nom. Si tu as un enfant qui s'appelle Muhammad, qu'on t'appelle Abu Muhammad, que tes amis t'appellent Abu Muhammad. Si tu as un enfant qui s'appelle Ahmed, qu'on t'appelle Abu Ahmed, etc. Et donc on a le droit de donner ce surnom à un enfant alors qu'il n'a pas d'enfant. Donc on tire de ça qu'on peut donner le surnom à un enfant et qu'on peut donner le surnom à une personne même si elle n'a pas d'enfant. Aïcha radiallahu anha a été surnommée Ummu Abdillah, la mère de Abdullah, alors qu'elle n'avait aucun enfant qui s'appelait Abdullah. Donc, parmi aussi les choses que l'on tire de ce hadith, وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيَ الطَّيْرِ لِيَلْعَبَ بِهِ. On tire aussi comme enseignement qu'il n'y a pas de mal à donner un oiseau à un enfant pour qu'il joue avec. Donc regardez combien de, on vient de sortir déjà 4 enseignements d'une parole qui est composée de 2 phrases. Et que on a le droit de donner à un enfant un oiseau s'il le traite bien. Donc au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un dit, est-ce que j'ai le droit de donner un oiseau à un enfant? La réponse est oui. D'où il a tiré cette réponse qui est un jugement religieux, halal ou haram, de ce hadith-là, duquel les gens ont parlé, et d'autres encore. Aussi, وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتْ فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, Abu Umair, qu'a fait le petit bouleboul? Car il avait un petit oiseau, le bouleboul, avec lequel il jouait et qui mourut. Comme l'enfant en fut attristé, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cela pour l'amuser. Il y a bien d'autres choses encore qu'on tire comme enseignement de ce hadith. Mais quoi qu'il en soit, on ne prend pas à la dérision une sunna, un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne la dénigre pas, car on sait, même si on est ignorant, qu'il y a des enseignements dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الصحابة إنك تداعبنا قال أي تداعبنا أي تمازحنا وتلعب معنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. أبو هريرة رضي الله عنه dit que les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, tu plaisantes avec nous de temps à autre. C'est-à-dire, ô messager d'Allah, on te voit plaisanter avec nous. Et on voit que cela fait partie de tes comportements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, et je ne dis alors que la vérité. Donc ici, regardez, on voit 2 choses. Il plaisante, mais ne dépasse pas les limites. Et c'est ça la sunna que l'on doit suivre dans la manière de plaisanter. On doit plaisanter mais ne pas dépasser les limites. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna rajulan istahmala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala inni hamiluka ala walidi naqa. Faqala ya rasulallah, ما أصنع بولد ناقة بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ Donc le prophète صلى الله عليه وسلم un jour, quand Anas ibn Malik était avec lui, un homme est venu le voir. Cet homme a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم une monture. Ô messager d'Allah, donne-moi une monture sur laquelle je peux monter et me déplacer. C'est-à-dire, il a demandé un chameau, car la monture de l'époque était le chameau pour la plupart du temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, allait lui donner cette monture. Il n'allait pas le refuser. Mais il a plaisanté avec lui en lui disant une parole véridique, réelle, mais de laquelle cet homme va comprendre autre chose. Et donc, c'est une manière de plaisanter qui est permise. Par exemple, dans ce hadith-là, quand il lui demande un chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je mets à ta disposition un enfant de chamelle. Un enfant de chamelle, l'homme qui lui a demandé le chameau se dit, un enfant de chamelle, donc, c'est un bébé qu'il va me donner. Et on ne monte pas sur le bébé, on ne monte pas sur le petit. Alors l'homme lui dit, ô messager d'Allah, mais que vais-je faire avec un enfant de chamelle? C'est-à-dire, pourquoi tu me donnes un petit? Le prophète, est-ce qu'il a dit qu'il allait donner un petit? Il n'a pas dit qu'il allait donner un petit. Il a dit qu'il allait donner l'enfant d'une chamelle. Pourquoi? Parce que tous les chameaux sont des enfants de chamelle. Donc il a plaisanté avec lui. Et quand cet homme lui a dit au messager d'Allah, que vais-je faire avec un enfant de chamelle? C'est-à-dire avec un petit. On ne monte pas sur les petits chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, les chameaux n'enfantent-ils pas que des chameaux? C'est-à-dire que l'enfant de chamelle, c'est un chameau. Donc ce que je vais te donner, c'est ce que tu m'as demandé. Donc le prophète alayhi wa sallam a plaisanté avec lui en lui disant des paroles avec lesquelles l'homme a compris, ou par lesquelles il a compris autre chose, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas menti dans sa plaisanterie. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc nous allons nous arrêter sur ce hadith, ce dernier hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et reprendre la semaine prochaine inshallah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.